Poison perdu d'Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org. Des nuits du blond et de la brune, pas un souvenir n'est resté, pas une dentelle d'été, pas une cravate commune. Et sur le balcon, où le thé se prend aux heures de la lune, il n'est resté de trace aucune. Aucun souvenir n'est resté au bord d'un rideau bleu piqué, lui une épingle à tête d'or comme une gros insecte qui dort. Pointe d'un fin poison trempé, je te prends, sois-moi préparé aux heures des désirs de mort. Fin du poème, enregistré par Colinda. Cet enregistrement fait partie du domaine public.